Je connais pas beaucoup de personnes qui ont un cœur de serviteur comme Katia. La Bible dit de penser aussi aux intérêts des autres. Et Katia, c'est vraiment quelque chose qu'elle pratique, qu'elle fait depuis que je la connais, de toujours faire passer les autres en premier. Et elle va parler sur, vous savez, on est sur cette thématique, une vie destinée aux exploits. Le service, ça paraît bizarre, mais avoir un cœur, développer un cœur de serviteur, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous conduire à vivre, à expérimenter vraiment des exploits. Ça vous paraît bizarre, ça vous paraît étrange, Katia va vous convaincre. Chérie, c'est à toi. En fait, non, pas du tout. J'ai tout changé. Je ne vais pas le faire. Non, j'ai 10 minutes. 10 minutes, je préfère m'amuser pendant 10 minutes. Non, 10 minutes. Je suis à cheval sur les horaires, moi. Je suis très carré. Tout le monde me connaît. Je suis très carré. Donc, du coup, on n'a pas de PowerPoint. Super. Je voulais revenir sur plusieurs choses. Sur TM. Là, je vous regardais ce matin et puis je me dis, on va par enfin, je devais parler du service, mais puis quand je vois les dons que vous avez individuellement et en groupe, effectivement, je vois qu'il y a vraiment une onction, une faveur particulière pour la louange ATM et aussi au niveau de ce cœur de compassion. Quand je vois Claire, Mumu, et il ne faut pas être prophète pour voir ce qu'il y a sur votre vie. Donc la louange, l'intercession, la compassion, je pense que c'est trois choses phares. Et quand Greg parle de bonheur pour la ville, oui, parce qu'il y a de l'intercession, oui, parce qu'il y a de la compassion, oui, parce qu'il y a de la louange et parce qu'on va chercher Dieu avant toute chose. Et vraiment, je voyais, ben voilà, il n'y a pas. J'ai pas eu une parole, pas une vision ouverte, mais c'est ce que je voyais là, et puis tous ceux qui sont avec vous aussi ATM. Et après, je vous trouve magnifique déjà individuellement, donc en groupe, c'est de la bombe, quoi. Moi, je suis fan. Et aussi par rapport à Las Vegas, alors en fait, je devais parler sur le service ce matin, donc je vais faire un mix. Pour faire rapide, comment amusant, ludique, comme j'aime, avec ma nouvelle tablette, que mardi n'a pas marché en fait. Hein. Donc mardi, ouais. Donc nouvelle tablette, donc moi et la technologie, c'est pas trop de trucs. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors on veut tous être grands. C'est mon fils, tout ça, il me dit, ouais, maman, je comprends pas, dans les églises, vous parlez de leader, leader, et on n'est pas tous des leaders. Elle me dit, c'est pipeau, c'est n'importe quoi, on n'est pas tous à être appelés, être grands, la multitude. Et j'ai bien aimé sa réflexion, et bon, que j'ai trouvé, on est tous appelé à être des grands, c'est vrai, il faut aspirer à être grand. Et je pense qu'on est grand là où on est. Et on est grand de cœur, en fait. Et si tu veux être grand, il faut servir. Il faut servir ton Dieu et il faut servir les gens. Alors Dieu, c'est facile. Hein. Dieu reste Dieu, respect, c'est Dieu, quoi. Mais les gens, des fois, ah, ça coince un peu. Mais pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut servir. Le service est le moyen par lequel Dieu nous fait progresser et grandir. Moi, je sais que tout au long enfin, depuis que je suis convertie, j'ai toujours servi. Et bon, j'aurais plein, plein des dizaines et des dizaines d'exemples où j'ai servi. Et j'ai servi parce que je voulais servir, parce que. Voilà, mais bon, je vais pas m'étaler là. Mais par contre, longtemps j'ai cru qu'il fallait que je serve les gens parce que parce qu'on devait servir surtout les gens parce qu'on avait un don particulier. Ou alors qu'on pouvait aussi avec de l'argent. Parce que si j'avais de l'argent, ça me permettait de pouvoir aimer les autres, servir les autres parce que j'avais de l'argent. Ou si j'avais un don de guérison, de miracle, chose que je n'ai pas. Hein. Enfin, j'aspire, mais pour l'instant, bon, il se passe quand même des choses. Mais bon. Et en fait, je me dis, mais mince. Et souvent, on m'a dit tout au long de ces dernières années, « Ouais, Katia, tu as un don quand même pour relationner avec les gens, tu relationnes bien, ça le fait. » c'est... Puis à un moment donné, j'ai dit, « Oh Seigneur, ça sert à quoi ce don nul, quoi, les relations quoi. Donne-moi un don de guérison, ou fais-moi de moi quelqu'un de très riche, comme ça je donnerai à tout le monde, et tu verras, je ferai des œuvres juste magnifiques, je créerai des orphelinats, enfin, je ferai des grands trucs. » quoi. Mais les relations, ça sert à rien. Et en fait, si. Dieu nous a créés parce qu'il voulait juste une relation avec nous. Et quand j'ai réalisé, j'ai dit, mais mince, il nous a créés être relationnels. Et il m'a donné cette capacité à moi. Waouh! J'étais juste waouh, quoi. Et je vais servir avec ce que j'ai, avec ce que Dieu m'a donné, avec ce qu'il m'a créé comme ça. Et pour exemple, je peux passer 2 à 3 heures au téléphone par jour. Je ne peux pas toujours me déplacer en voiture, mais c'est arrivé où j'ai fait plus. Hein. Je vais me servir du don que Dieu m'a donné pour les autres. Parce que je les aime, je veux les aimer. Des fois, je prends mon téléphone, je me dis, ah, celle-là ou celui-là, je n'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, quoi. Et j'ai pas envie, ouf, voilà. Mais Dieu m'a donné, il m'a donné un téléphone, un super iPhone 6 Plus, et puis cette capacité d'écoute, donc je vais le mettre au service des autres. Et ça, c'est vrai, mais toujours dans l'amour avec les dons que Dieu nous a donnés. Parce que Dieu nous a donné des dons à tous. Il n'a pas fait des exceptions. Dans Galates 5, 13, rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. L'amour, ça va vous pousser à servir les autres. Nous pouvons servir sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans servir. Alors, il y a des facilités, on peut, parce que on peut aussi commencer par servir les gens qu'on aime, en fait. Par exemple, moi, avec Greg, mon mari, c'est facile. Mes enfants, c'est facile. Après, les gens que je connais pas trop, mes voisins, ou soit j'ai pas le temps, ou quoi, c'est pas facile. Mais déjà, je vais exercer mes dons, mon service, mon amour, avec Greg. Alors, en Greg, en fait, c'est le langage de l'amour. Donc, du coup, j'y fais des petits plats, j'y repasse ses chemises, j'y range son bureau, j'y fais tous ces. Mais, alors, je suis pas le style. J'aime faire plaisir, c'est vrai. J'aime faire plaisir à mon mari. J'aime qu'il soit bien. J'aime qu'il ait les choses belles. Et je vais faire passer mon mari, mes enfants, avant moi, c'est sûr. Mais c'est pour ça, commencez déjà avec les gens que vous aimez, à les servir. Allez demander à Dieu et puis même à vos amis, qu'est-ce que tu crois que j'ai, comment je pourrais servir, comment je pourrais aller plus loin. Je vais juste lire une citation de John Wesley. Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. Là, on se prend deux claques. Mais bon, ça, je vous l'enverrai via Facebook, non. Mais je la relis juste parce que je trouve qu'elle est juste incroyable. Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu pourras. Et une des choses, et puis je pense que je ne vais pas aller trop loin là, mais une des grandes qualités qu'il faut avoir pour, on va dire, pour servir, pour servir avec cœur, une des bases qui pour moi est très importante, c'est l'humilité. Beaucoup de gens veulent accomplir des grandes choses. Et pour accomplir ces grandes choses, il faut être fidèle dans les petites. Et on ne veut pas. Hein. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, et je le disais à Paul et Denise il n'y a pas longtemps, je dis, mais j'ai la vie de rêve, quoi. Et j'ai une vie de rêve. J'ai un mari super, des enfants super, en bonne santé. Et on va régulièrement à Las Vegas, on travaille à Las Vegas. C'est aussi Paul et Denise qui ont permis qu'aujourd'hui qu'on puisse vivre ce qu'on vit, parce qu'on est financé par les États-Unis. Donc ça nous laisse une certaine liberté pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc vraiment, j'ai des amis formidables, j'ai une église super, vous êtes super. Mais ça a demandé beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ça a demandé beaucoup d'humilité. Et c'est pas venu du jour au lendemain. C'est pas parce que beaucoup voudraient être à la louange. Bon, moi aussi, je rêve d'être à la louange, mais je chante faux comme une casserole, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine, on va pas tout massacrer. Donc j'ai demandé à Lélio, mais il a pas voulu ce matin que je chante. Ça demande de l'humilité aussi d'avoir le micro. Ça demande de l'humilité d'être à la louange. Ça demande des sacrifices aussi parce qu'ils arrivent de Montpellier. Ça fait quand même une trotte. Et ça demande de l'humilité de servir. Vous savez, avec Paul et Denise, avec Greg, avec Denise, c'est quelqu'un avec qui je connecte fort en amitié. C'est vraiment... Bon, je la batte parce qu'elle est un mentor pour moi, mais aussi on l'a servie. C'est quelqu'un que, même encore aujourd'hui, je la sers. On va faire des formations prophétiques, on fait des conférences avec elle. On organise des conférences, on a fait son fascicule prophétique sur lequel on travaille mardi. On l'a travaillé ensemble avec Greg, Denise, et puis on l'a construit ensemble. Ça demande des heures, ça demande du service, ça demande... Parce que là, à ce moment-là, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour Greg, on ne le fait pas pour nous, on le fait parce qu'on veut servir. Et puis ça travaille notre humilité de dire oui, je vais servir. Paul le dit souvent, hein, il a toute sa vie, il est Paul Goulet, il a une méga church, il côtoie des grands noms, mais il sert tout le temps. En fait, il sert d'autres personnes. Et on se dit, mais non, mais quand t'arrives, t'es grand, c'est plus la peine de servir, quoi, on te sert plutôt. Et j'aime bien le système du royaume de Dieu, parce que c'est ça en fait, hein, c'est soyons toujours serviteurs en fait. Mais ça demande de l'humilité, ça demande vraiment de se revêtir d'humilité. Et l'humilité c'est un choix, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, oh mais tiens je suis humble ce matin, super, c'est chouette, ça. Mon beau miroir. Qui est la plus humble? Mais c'est toi, Katia. Non. Mais c'est un choix que vous allez faire de dire je veux être humble parce que je sais que être dans les petites choses, dans le service des autres, de donner. Quand Déborah a été aussi en Espagne, que aller voir ces femmes qui sont dans la prostitution. Voilà, c'est aussi, c'est ça, servir. Je vais prendre du temps pour aimer, pour... J'aime bien cette phrase, Jésus n'a pas servi malgré sa grandeur, mais il a servi à cause de sa grandeur. Donc si tu veux être un grand, sers. Si tu veux, je rêve d'une méga church, je rêve de beaucoup de choses, je rêve d'une grande maison, je rêve de beaucoup de choses grandes. Bon, c'est très matériel tout ce que je dis là, mais voilà, je veux servir. Je veux servir, je sais que c'est les bases et que c'est ça, dans l'humilité d'un choix personnel. Et en fait, serviteur, alors Greg, Lélio, Hervé, enfin beaucoup sont des ministères. Et donc ça, c'est très bien. Voilà, ministère, ça fait bien, quoi. C'est bien. Mais en fait, le mot ministère, en grec, le mot service est traduit par diakoneo. Et diakoneo, c'est ministère. Donc, tu veux, en fait, on a tous un ministère, quoi. C'est le ministère de servir. Et aussi, ça, c'est bien de le savoir et de l'intégrer, de dire, je suis un ministère du royaume de Dieu, parce que je sers, en fait, je sers. À chaque fois que vous utilisez vos dons, votre temps, vos compétences pour aider quelqu'un d'autre, vous exercez le ministère. Donc, n'attendez pas d'avoir un don de guérison, un don de les 9 dons spirituels, bien qu'on travaille ça, et le don de prophétie. N'attendez pas d'avoir les dons spirituels pour servir, pour exercer vos dons. Parce que je suis sûre, quand on fait le tour, vous avez tous des dons. Marc, je ne savais pas qu'il joue à la batterie. C'est un don. Il a un don, et puis quand il me dit, il a commencé à 14 ans, c'est ça? Voilà, quand il joue, enfin, moi, je suppose que tu joues très bien. Moi, j'adore la batterie. Voilà, il met au don le service. Il faut être là le matin, le dimanche matin, et puis je suppose que tu vas en faire plein d'autres, tu vois. Et il faut être là. Et il faut la monter, la batterie, il faut être là plutôt que les autres. Et ça, c'est un cœur de serviteur. Et ça, j'aime ça. J'aime voir cela. Donc, je voulais juste aussi, pour terminer, parler du culte Café Croissant. C'est quelque chose avec l'équipe, et je suppose chacun individuellement, ça vous touche. Mais notre mission première, je le dis souvent, notre mission première, c'est d'aller faire des nations des disciples. Donc notre mission première, c'est d'aller témoigner, c'est d'aller parler à nos voisins, nos collègues, nos amis, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et on crée cet espace du culte Café Croissant, vraiment pour que vous puissiez être... voilà, dans un autre contexte, pouvoir inviter. Je sais qu'il y a des amis qu'on préférerait inviter dans d'autres contextes qu'un culte comme on a le dimanche matin. Et le culte Café Croissant, ça, c'est une occasion aussi de... Parce que c'est notre mission première, c'est d'aller témoigner, d'aller annoncer Jésus. Et c'est aussi ça, être serviteur. De pas avoir honte de notre Jésus, de pas avoir honte, et c'est pas une question de parce qu'il faut faire du chiffre à l'Église, c'est pas grave ça, mais c'est si on reste à ce nombre-là toute une vie, il y a pas de souci. Mais par contre, notre mission première, c'est d'aller annoncer Jésus, et c'est ça être serviteur, c'est de dire bon ben Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir à qui je vais pouvoir parler de toi. Que je vais pouvoir servir, aider, aimer. On l'a vu mardi dans l'école prophétique. On va activer aussi le prophétique, c'est ça, aller activer des paroles pour les incroyants, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ça, c'est notre mission première. Et je trouve que d'aller c'est mieux les papiers, au moins ça ne va pas. Mais donc c'est moi j'aimerais vous laisser ça aussi aujourd'hui de dire même le temps de prière Seigneur quelle idée, quelle personne tu vas me mettre à cœur où je vais pouvoir inviter ou parler du culte, juste parler du culte Café Croissant. Vous savez aussi, il faut pas vous mettre la pression de dire il faut que j'invite quelqu'un. vous travaillez avec le Saint-Esprit. C'est lui, il va vous donner des idées, des images, voir quelqu'un aussi dans la prière. Tiens, ah ouais, cette personne, je n'avais pas pensé, mais je vais y envoyer un petit texto. Soyez en partenariat avec le Saint-Esprit. Ne prenez pas les devants non plus du Saint-Esprit de dire, bon, ben allez, je vais aller voir ma voisine. Bon, allez, alors, faut que tu viennes au culte Café Croissant, Jésus, je suis pasteur, tu viens, tout ça. Non, non. Juste, voilà, je vais dire, ah ben, dimanche matin, je fais un culte Café Croissant, c'est tout. Après, il faut laisser le Saint-Esprit faire. C'est pas, on n'a pas, nous, à aller à faire du harcèlement ou quoi que ce soit. Et soyez un partenaire du Saint-Esprit. Vous savez, c'est extraordinaire. Et puis, pour ceux qui étaient là mardi matin, mardi soir, vous avez appris comment les images, les idées, les impressions, tout ça. Laissez-vous conduire. Ça, c'est juste incroyable de travailler et d'être en partenariat avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est pas nous. Et on est juste un canal pour. Mais le faire avec témoigner, avec humilité, servir, c'est pour servir. C'est pas pour nous. C'est pas à propos de nous. C'est à propos du service. C'est à propos de Dieu. C'est à propos de Jésus. Et ce matin, vous savez, je finis avec ça. Et Greg, mais ce matin, je pense que on peut avoir un peu de musique. Ben non, ou là où ah c'est lui qui le fait. C'est le. Mais ce matin, je voulais, je me suis pas avancée par rapport aux paroles, mais on a vécu une percée là. Et on a vraiment, vraiment, vraiment vécu une percée. Et et c'est pour ça quand il y a des temps comme ça, ne passons pas à côté et ne soyons pas inactifs. Vous savez, j'ai passé des tas de cultes, c'est arrivé, hein, où c'était la misère, quoi. Mais pas envie, il n'y a rien, je sens rien. Bon, pas ici à Transformation, hein, c'était dans le passé, mais j'en ai vécu. Et je me suis toujours posé la question, mais comment ils font les gens? Ils sont là, ils parlent après, ouais, Dieu est là, je sens la présence de Dieu. Je sentais rien, moi. J'ai dit, mais comment ils font? Et ce matin-là, on a vécu une percée. Je crois que vraiment, on a vécu une percée dans le monde spirituel. Mais vous savez quoi? Ça demande des gens de foi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des percées ce matin? Est-ce que vous croyez que Jésus est là, que le Saint-Esprit est là, et il faut aller toucher le bord de son vêtement. Mais ça demande des gens de foi, ça. Ça demande des gens qui en veulent et qui y vont. Donc, Greg, si tu peux... Ouais, prier. Ouais. Ça y est, moi, je suis partie, là. Ça y est, moi. Juste prier pour vous. Comme le dit Katia, on a vécu une percée dans la louange. Je peux vivre une percée dans la prédication maintenant par rapport à ce que Katia a reçu de Dieu. Et vous savez, quand on parle d'exploit, on parle de performance, on est musclé, on est fort, on est combatif. Mais la Bible dit, hey, le plus grand, donc c'est-à-dire le top du top des exploits, c'est celui qui sert. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors je t'invite tout simplement à fermer tes yeux et on va recevoir des paroles prophétiques directement de la part du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu va vous parler dans votre cœur. Je vais poser une question et le Saint-Esprit va vous donner la réponse. Soit une image, soit une idée. Notez sur votre téléphone, parce que souvent, il faut, c'est un engagement, ce sont des pistes que le Saint-Esprit va vous donner maintenant. Alors Seigneur, on te remercie de ce que tu nous réaiguilles ce matin. On aspire tous à progresser. Et on comprend que la clé de notre progression est dans le service. Et on veut commencer par te demander pardon en tant qu'Église et individu pour avoir négligé, Seigneur, ce levier qui est le service. Parce que peut-être on a été déçu, on a été abusé, des gens nous ont exploité, alors on ne veut plus servir. Mais certes... La réalité de ce qu'on a vécu n'enlève en rien le principe. Le principe reste immuable. Le service, le plus grand, c'est celui qui sert. Le service est une porte d'entrée pour ton pour ton élévation et ton développement. Alors Seigneur, on pardonne toutes ces personnes qui nous ont abusés, exploités, manipulés, et on veut retrouver un cœur de serviteur. Le cœur que toi tu avais quand tu es venu sur terre, alors que tu n'as pas été reçu dans les meilleures des conditions, mais tu as dit le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Et Seigneur, on veut renouer avec ce cœur de serviteur. Maintenant. Et Seigneur, je prie pour que tu donnes maintenant, et c'est maintenant que le Seigneur va vous parler, donne-nous de l'amour pour des individus, pour un service dans l'Église. Mais la première chose que le Saint-Esprit réactive en vous pour retrouver ce cœur de serviteur, c'est de l'amour. De l'amour pour une personne, pour un groupe de personnes, une catégorie de personnes, qui peut être dans l'Église ou en dehors de l'Église. De l'amour pour des membres de votre famille, collègues de travail, voisinage. De l'amour pour un service dans l'Église. Mais recevez maintenant de l'amour pour une personne ou pour un service. Et demandez à Dieu, mais comment je peux commencer à retrouver ce cœur de serviteur? Qui je peux aimer? Qui je peux encourager? Même ne serait-ce que ce matin, le culte va terminer. Comment je peux, parce que le plus grand, c'est celui qui sert. Comment je peux servir dès la fin de ce culte, dans quelques minutes, et tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine? La deuxième chose, c'est ce texte de la parole de Dieu qui nous dit que Jésus a dit à des serviteurs, tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confie des grandes. Tu aspires à avoir des grandes choses, une grande église, un grand boulot, tu veux avoir des grandes choses, ben il faut que tu sois fidèle dans les petites. Donc l'humilité. Et demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les petites choses dans lesquelles tu me demandes d'être fidèle? Parce que Jésus a dit, tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confie des grandes. Dieu nous confie des grandes choses dans la mesure où on est fidèle dans les petites. Alors demandez au Saint-Esprit maintenant et notez la réponse que vous recevez dans votre cœur. Seigneur, dans quoi je dois être fidèle? Quelles sont les petites choses dans lesquelles je dois être fidèle? Dans ma famille? Dans mon église? Dans ma relation avec toi? Dans mon rapport avec la parole de Dieu? Quelles sont les choses, Saint-Esprit, ou les petites choses dans lesquelles je dois être fidèle, dans lesquelles je vais développer ce cœur de serviteur? Et recevez la réponse maintenant, au nom de Jésus. Et la dernière chose, c'est les actes de bonté. Demandez au Saint-Esprit, à partir de maintenant, Saint-Esprit, inspire-moi des actes de bonté. Dans la ville de Béziers comme dans la ville de Montpellier, dans l'église comme en dehors de l'église, dans mon travail, dans mon voisinage, partout où je suis, quand je vais au restaurant, quand je vais au supermarché, je veux être un distributeur d'actes de bonté. Des fois c'est des sourires, des fois c'est de la politesse, des choses toutes simples. Mais je veux recevoir de ta part des directives pour poser des actes de bonté quotidiennement. Et j'ai cette pensée pour vous. Pierre a jeté les filets toute la nuit, il n'a rien attrapé. Et Jésus lui dit, jette tes filets. Et là, le filet est plein. Et Pierre répond, sur la base de ta parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Et il jette son filet, le filet est plein de poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois, Dieu va vous demander de faire des choses que vous avez déjà faites. Mais parce que ça vient de lui, il y aura un miracle. Ça vient de lui, la personne va être touchée. Des fois, juste un sourire, c'est quoi ton prénom, comment je peux vous aider? C'est tout simple, mais quand ça vient de Dieu, les choses simples produisent un miracle. Alors laissez-vous inspirer, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi des actes de bonté à poser avec mon conjoint, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, dans l'église, à Montpellier, à Béziers. Et recevez la réponse maintenant. Et soyez maintenant des hommes, des femmes et une église grande. Croissez, développez-vous, épanouissez-vous dans le service. Retrouvez la joie et le plaisir de servir. Amen. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as réveillé, Seigneur, comme rêve, comme projet. Et ces rêves, ces projets, ces actes de bonté vont toucher et impacter nos familles, notre couple, nos amis, notre voisinage, les villes où nous habitons. Nous te remercions, Seigneur.